Bonjour très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être, avec les secrets de Mathilde, naturopathe, mais pas que. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour se préparer à l'hiver grâce à l'Ayurveda. Sans doute le système thérapeutique le plus ancien et le plus complet du monde. L'Ayurveda est la médecine de l'Inde ancienne. Ayur signifie vie et Veda science, dans une traduction littérale du sanskrit. Médecine et philosophie en même temps. L'Ayurveda s'appuie sur le caractère unique de chaque individu pour soigner l'être humain dans sa globalité. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Même s'il faut des années pour pratiquer la médecine ayurvédique, sans doute en raison de la subtile complexité de chaque individu, il existe des clés pour se connaître grâce aux tests ayurvédiques, que vous trouverez très facilement sur Internet. Méthode pratique, concrète et pleine de bon sens. L'Ayurveda repose sur l'équilibre des trois énergies fondamentales, ou qu'on appellerait dosha, propres à chacun. En identifiant clairement la composition de sa nature profonde, on peut évaluer ses besoins pour équilibrer sa santé, son humeur, jusqu'à son alimentation. Et comme chaque individu est unique, l'Ayurveda repose d'abord sur un bilan de ses propres énergies. S'écouter, se connaître, c'est vivre mieux. Vers la saison froide. L'arrivée des premiers jours frisquets est souvent plus éprouvante encore que la saison froide elle-même, car nous ne faisons pas suffisamment attention à préserver notre chaleur. Nous résistons à l'idée de recommencer à chauffer notre maison et tolérons une température bien plus froide en automne qu'en pleine saison hivernale. Pour notre confort, il importe de se garder au chaud lors du passage à la saison froide, sans attendre que les grands froids nous y contraignent. D'un autre côté, il est bon de s'exposer aux éléments pour permettre au corps de bâtir sa résistance et de s'adapter au changement du climat. En somme, l'idéal est de surveiller son thermomètre intérieur, sortir dehors suffisamment habillé et profiter de la chaleur du foyer, le moment venu de se reposer. Nous avons besoin de lumière. Nous sommes tous grandement influencés par la lumière du soleil. Mais certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à la baisse de luminosité qui précède et accompagne la saison hivernale. La lumière du jour accroît notre production de sérotonine, un neurotransmetteur qui régularise le cycle circadien et favorise la bonne humeur. Une fois la nuit tombée, l'obscurité enclenche la synthèse de la mélatonine dans le cerveau à partir de la sérotonine produite sous l'influence de la lumière. L'idéal, c'est de veiller à sortir dehors le jour au soleil. Même si les nuages obscurcissent la lumière, les rayons de notre astre solaire nous atteignent toujours. Ensuite, conserver sa chaleur pour s'assurer de bien tolérer le froid. Dans un premier temps, produire de la chaleur. L'Ayurveda utilise la saveur piquante pour activer le métabolisme et ainsi accroître la production de chaleur chez les personnes qui en génèrent peu. Il s'agit d'incorporer dans votre alimentation ou sous forme de supplément, des plantes telles que le gingembre, le poivre, le raifort, la muscade et la cannelle par exemple. Plus les plats seront relevés de saveurs prononcées, plus le métabolisme sera activé, alors qu'à l'inverse, trop de nourriture douce et calorique aura tendance à le ralentir. De plus, de grosses portions demandent beaucoup d'énergie pour être digérées et monopolisent aussi le sang dans le système digestif. Les possibilités de réchauffer son alimentation abondent. Des radis, des pousses de moutarde dans la salade, du poivre sur les œufs, de la cannelle sur le pudding, du raifort avec de la viande, du gingembre frais dans le smoothie du matin, et ainsi de suite. Mais aussi stimuler la circulation sanguine. Certaines plantes et aliments réchauffent, stimulant rapidement et directement la circulation sanguine, permettant de réchauffer nos extrémités, comme le romarin, le ginkgo, le piment de cayenne, ou encore l'angélique. Quelques pincées de cayenne dans la nourriture ou une tisane auront un effet instantané et permettront de reprendre le dessus lorsque le froid nous gagne. L'Ayurveda insiste grandement sur l'importance du feu digestif pour métaboliser la nourriture. Agni, qui correspond au feu, comprend l'ensemble des processus chimiques du métabolisme, l'activité digestive jusqu'au niveau cellulaire dans les tissus de l'organisme. Le bon fonctionnement du métabolisme est un a priori incontournable pour que la nourriture et les remèdes apportent leurs bienfaits. mais ne pas oublier l'importance du plaisir. On insiste aussi sur le rôle réconfortant et satisfaisant de la nourriture, la joie de vivre que nous procure notre alimentation. Le plaisir qu'on éprouve à manger doit être considéré lorsque l'on applique des recommandations alimentaires ayurvédiques. Manger selon sa faim. Notre appétit naturel nous guide vers un point d'équilibre où nous optimisons l'énergie obtenue par la nourriture via l'énergie utilisée par la digestion. En consommant la quantité exacte de calories qui correspond à nos besoins, on évite à la fois les carences alimentaires et les surplus qui surchargent et encrassent notre organisme. Évitez de manger avant de dormir. Lors du sommeil, davantage de sang est disponible pour irriguer l'ensemble de vos cellules, pour profiter du repos, pour ralentir le métabolisme et évacuer les toxines qui s'accumulent dans la journée. Manger un repas avant le coucher nuit à ce processus et ne favorise pas une métabolisation idéale de la nourriture. N'oubliez pas la fraîcheur et la pureté des aliments. L'Ayurveda nous rappelle que la qualité et la vitalité de la nourriture est un facteur important de santé. Des aliments frais, peu transformés, exemptes de pesticides et d'herbicides, qui ont poussé dans une terre idéale et dans des conditions adéquates. Je vous laisse avec un petit proverbe ayurvédique. Lorsque l'alimentation est mauvaise, les médicaments ne sont pas utiles, et lorsque l'alimentation est bonne, les médicaments sont inutiles. Si vous souhaitez des conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter, soit par le biais de mon site internet, lessecretsdemathilde.com, soit par le biais des réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, en tapant simplement « Les secrets de Mathilde ». Je vous souhaite une très belle journée. Retrouvez mes conseils et astuces tous les vendredis à 8h et à 13h30. Namasté !